La nuit sans pub là sur Énergie, c'est Cédric, bienvenue à ceux qui débarquent, à ceux qui arrivent, ceux qui se réveillent. Il est 4h. On écoute DJ Snake dans la playlist Énergie, Lady Gaga juste derrière, puis le meilleur de Mickaël, le Rico Show, Koé et le meilleur de Venu dans 6-9 sur Énergie. Si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. You need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read. I'm like a Ouija board, but I'm a boss bitch. Who you gonna leave me for? Sale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie gives. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Vous êtes sur Énergie, salut tout le monde, bon réveil, un petit peu plus de 4h, j'espère que ça va ce matin. Ouais, une bonne petite crève là pour moi, bon c'est pas grave. Avec le sourire quand même, on écoute Jane, Drake, Lady Gaga et Bradley Cooper et puis le meilleur de Mickaël sur Énergie. Mickaël sur Énergie, c'est chaque soir à 23h. On a fait un petit tour à Mons en Belgique avec la police de Mons, écoutez, c'était sur Énergie. Et donc, vous le savez, hein, nous faisons un tour du côté de la police de Mons. La police de Mons, c'est une petite bourgade pas loin de la frontière française. Et donc, il y a un petit peu le CSI, les enquêtes de la police fédérale, de la police de la route belge. Et donc, ils tombent souvent sur des cas. Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'effectivement, on peut dire ça. Et ce soir, justement, la police de Mons est tombée sur deux champions du monde. Et ça commence évidemment par l'assurance. C'est le cas provisoire d'un mois. Monsieur me dit qu'il n'est pas en ordre de paiement, mais il ne sait pas savoir, il ne se souvient plus de savoir s'il a payé ou pas. Il ne sait pas savoir. Donc, je ne sais plus. J'ai fait le test drogue, il est positif à la cocaïne. Donc, je vais fouiller les personnes, je fais un tour pour la fouille du véhicule. Voilà, donc il a une assurance provisoire. Il ne sait pas savoir. Il ne sait pas savoir s'il est en ordre. Non, il ne sait pas savoir s'il l'a payé, c'est ça qui est bon. C'est ça. Abuse, et surtout, le meilleur quand même, c'est que positif. Le test est positif à la cocaïne. Oh là là, c'est légal. Et le conducteur, contre tout attends d'ailleurs, ne comprend pas ce qui se passe. Cannabis et cocaïne. Oui. Quand vous allez RCZ là, bon, vous savez quand même bien si vous fumez. Bon ben voilà. Ah mais jamais au volant, on vous dit pas de fumer avec votre volant en main. On vous dit de fumer avant d'avoir pris le volant. Ah. Ah ben voilà. Ce qui est bien, c'est que le flic, on vous dit de fumer avant. Le mec, il l'oblige. Bon, et bien entendu, comme toujours, il y a une erreur judiciaire. Non, c'est impossible, mais le test, en tout cas, il déclin. Voilà, c'est ça, c'est impossible. C'est impossible qu'il soit positif mais à la cocaïne. Mais oui, impossible, comme s'il avait, il avait consommé de la drogue. Mais enfin, voilà, ouais. Jamais. Mais bon, comme toujours, il y a plus, beaucoup plus. Et donc, quand le flic ouvre le coffre... C'est à vous, ça? Ouais. Ça vient d'où? Ça vient de... Je devais tout porter quelque part. Non, ça vient d'où? Ça vient, je devais tout porter quelque part. Non, répétez. Je devais tout porter quelque part. Non, mais ça peut se reporter quelque part, c'est une destination. Ouais, ça vient d'où? Chez moi. Je l'ai acheté à quelqu'un. Vous l'avez acheté à quelqu'un? J'ai acheté un lot et je devais tout revendre. Allô? Vous avez acheté un lot et vous devez revendre. Vous avez acheté un lot à qui? Hier à Charleroi. Hier à Charleroi. Alors je le veux, je le débat, on va m'amener pour la vendre. Vous êtes moi. Non mais c'est grave. J'aime bien le... Ça vient d'où? Ouais, mais je dois le déposer. Bah ouais, mais en fait c'est pas la question. Donc des lots justement, alors il doit y avoir au moins 10 bouteilles de vin, mais rien d'illégal hein. C'est juste hein. J'ai acheté mes affaires. Bah voilà, c'est juste, hein, c'est ça, c'est tout. Bah ouais, c'est ça, il les a achetés, monsieur l'agent. Mais après les bouteilles là, que trouve monsieur l'agent? Dites, c'est quoi ça? Pardon? C'est tellement que ça sent mauvais dans l'auto que vous avez autant d'histoires ainsi. Moi, c'est un lot que j'achète, c'est des gamins. C'est un lot que vous avez acheté. Des dizaines de désodorisants pour voitures. Tout le monde s'attendait à de la coke, hein, avoué. De la coke, du shit, oui. Du truc. Non, non, c'est juste des déos là. Voilà, c'est des déos. Ils sont aussi mauvais que ça dans cette auto. Vous pensez évidemment, encore une fois, que c'est tout. Mais non, le coffre n'est toujours pas vide. Ça vient d'où ça? C'était un lot aussi? Ah ouais, c'était un lot, de la nourriture, comme ça c'était un lot. Ouais, frigo, ah, vous mettez au frigo ça? Ah, vous allez manger? Non, moi aussi. Ah, vous allez manger? Oh, ben prévenez les urgences, hein, parce qu'à un moment donné, vous allez arriver, hein, si vous mangez ça. C'est de la viande. Ouais. De la viande dans un coffre non réfrigéré, évidemment. Avec les sapins là, qui puent là. Ouais, ouais. Enfin, c'est pour ça qu'il a mis les sapins, c'est pour enlever l'odeur de la viande qui pue. Et à votre avis, qui lui a vendu tout ça? Le VEC, l'USB, tout ça. C'est une personne qui est retournée dans un café. Ah ouais, ouais. Il avait un fameux sac à dos. Non, si. C'est une honte qu'il avait, c'est le Père Noël. Hein, aller dans un café, c'était le Père Noël, ça, non? Ben oui, c'était le Père Noël. C'était le Père Noël. Hein. Oh, il est bon, ce flic. Grave, grave. Et pour finir, là, un des deux finit par avouer quand même. Hein. Ouais, il est monté en retien, il m'a dit on sait faire 2-3 magasins, puis que j'allais chercher ce qu'il me faut. J'ai écouté, moi, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez été aller chercher avec lui les affaires? Non, monsieur, je ne savais pas. Je savais pas. Mais il est sorti avec quoi? Une caisse en carton. Monsieur, combien de magasins en tout vous avez fait? Vous savez combien de fois vous êtes arrêté? 5-6 fois. 5-6 fois dans les magasins. Ouais, plus ou moins. Bon, on n'est pas non plus. Hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a une raison évidemment à tout ça. Hein. Pourquoi est-ce que vous faites ça, monsieur? Vis-à-vis des solutions alternatives par rapport au. Je suis pas bien dans ma tête, je suis tout le temps en dépression. Ah, vous êtes toujours en dépression et c'est pour ça que vous fréquentez des gens comme ça que vous faites ça? Ah, vous n'êtes pas bien. Ah, et vous croyez pas que ce serait plus intéressant de vous retrouver à côté de vos enfants plutôt que de fréquenter quelqu'un comme ça qui va voler des objets dans les magasins? Vous croyez quoi, franchement? Vos enfants, vous croyez qu'ils ont envie de ça? Et voilà, il a commencé à chialer sur l'épaule du policier en disant bon, dernière carte à jouer, là, j'ai plus que ça en stock. La corde sensible, allez. Je suis en dépression, que ça va avec la viande avariée. La viande, le vin, le désodorisant pour voiture, enfin tout ça quoi. Oh là là. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Énergie, comment ça va ce matin? Bien, bon réveil en tous les cas, bon courage. Ouais, direction les cours, direction le taf là, pour vous tout à l'heure. On va écouter Drake dans la playlist Énergie. D'ici là, il y aura Jane aussi avec Aurel San, The Prince Karma, Sia. Ouais, une heure sans pub là sur Énergie. On profite. On sait aussi le meilleur du Rico Show. C'est à 20h tous les soirs sur Énergie. Le Rico Show sur Énergie ce soir à 20h et ce matin en mode best-of. Le podcast du Rico Show, 20h-23h. Sur Énergie. Tiens, en numéro 2, on retrouve dans les nouvelles tendances l'orgasme simultané. C'est-à-dire jouir ensemble et cultiver le fait de jouir ensemble. Sarah, je sais que ça lui inconnu. Je l'ai appelée cet après-midi pour tout dire. Elle m'a dit non, mais attendez, mais c'est quoi ce délire? Et pour elle, c'est infaisable. C'est lunaire. Ouais, il faudrait déjà que ça vienne de son côté, la pauvre. Déjà, elle a demandé ce que c'était un orgasme. Donc... Allez. Oh, elle m'a fait tout un discours entre la femme clitoridienne et la femme vaginale. Expliquez-moi. Pour Sarah, en fait, je crois que tu n'as jamais ressenti un orgasme. Mais qu'est-ce t'en sais? Non mais un orgasme de l'intérieur, il faut le dire. Il y a beaucoup de femmes qui de l'intérieur ne ressentent rien et qui sont très extérieures tout simplement. Donc pour elles, l'orgasme simultané, ça va être compliqué. Alors, Sarah est en train de me dire qu'elle a pas cet orgasme vaginal. Est-ce que Sylvain, tu confirmes qu'on ne peut pas avoir les deux et... Ah si, les deux sont possibles. Même l'un sans l'autre ou enfin les deux plus ensemble. Les deux sont possibles. Bien sûr. Donc qu'est-ce que tu penses que Sarah l'a jamais découvert cet orgasme? Le 7e ciel. Ouais. C'est égal. Ah ouais, elle est dans la couche de zone. Le coït. JM. Non, mais c'est vrai, c'est le plus beau truc qui puisse arriver quand tu es amoureux de ta copine, que vous jouissez en même temps, vous finissez en même temps. Non, mais c'est vrai, en vrai. Sarah, ça t'est jamais arrivé. Je comprends que ça t'est jamais arrivé, c'est pour ça que ça t'étonne un peu. Non, mais tu peux le dire. Il n'y a pas que moi, 60% des femmes. Venez témoigner. On sort un chiffre qui est nul. Venez témoigner, les femmes. Beaucoup alors, de femmes. Alors, t'as quel âge, Sarah? Vraiment, 32 ans. Est-ce que si vous avez une trentaine d'années, alors évidemment quand tu découvres sur d'un point de vue sexuel t'as pas d'orgasme, ça peut arriver, c'est normal, ça arrive, et c'est dur à l'avoir, c'est compliqué, et vous pressez pas, surtout il y a le temps, il y a le temps, la vie est longue. Mais si vous avez 30 ans et vous êtes comme Sarah, vous êtes une femme qui n'a jamais eu d'orgasme d'un point de vue vaginal, j'aimerais comprendre. Appelez-nous 0870 42 48. Sarah se sentira moins seule. Apparemment 6 femmes sur 10 sont dans le cas de Sarah. Oui. Beaucoup. Ouais. J'ai envie de savoir, c'est vrai ça? Sarah, j'ai dit les femmes, oui, 60% des femmes. Elle est sûre de son chiffre. On va prendre Laurie, on sent que ça jouit grave chez Sarah. Elle toute seule, elle a 60%. Ah ouais, elle augmente les chiffres. C'est l'ex-URSS de l'orgasme. On va prendre Laurie qui a fait le 0870 42 48. Ça va Laurie? Salut Laurie. Alors Laurie, est-ce que tu jouis? En nous écoutant. Non mais est-ce que toi l'orgasme simultané, c'est un truc que t'arrives à atteindre, et Laurie a 20 ans. Bah ouais, carrément. Et en fait, le truc, le petit secret, genre, c'est quand en plein acte, tu fais une petite gâterie pour que ça redescende, et je trouve que c'est mieux. Ouais, ah oui. C'est-à-dire que tu joues en fait. Elle joue un petit peu avec son orgasme, elle le connaît tellement qu'à un moment donné, elle est capable d'arriver presque à l'atteindre, cet orgasme, tu verras ça. Et de se dire, j'attends un petit peu, j'attends un petit peu pour faire durer le plaisir, et c'est ce qu'on appelle le yo-yo. Mais ça, c'est l'expert, expert. Là, Laurie, à 20 ans, tu connais bien ton corps. C'est ton cum. Là, on sent qu'il y a de l'expérience. Par contre, Sarah, pas trop. Hein. Oh, oula, ça claque. Mais tu m'apprendras, Laurie, tu me donneras des cours. Oh, bah. Voilà, je te ferai un tuto. Il faut un tuto. Ouais, moi, je suis convaincu que Sarah n'a jamais été portée par la chose. Parce qu'elle a pas. Non, mais c'est vrai, on lui a pas peut-être montré les. Mais vous êtes des malades, mais lâchez-moi les baskets. Elle a pas pris son pied total. Et elle aurait besoin. Ah, je sais pas, moi. Elle se connaît pas encore assez, moi, je pense. Je vais pas là-dedans, moi. Laurie, qu'est-ce que tu penses de Sarah et du fait qu'elle n'ait pas eu encore tous ces premiers émois là? Raconte un peu. Bah écoute, ma foi, elle n'est pas tous égaux. Après, il paraît qu'elle a fait un sondage puisqu'elle a dit 60%. Ouais. À voir s'il y a des témoignages qu'ils appellent et qu'on voit. Pour elle, il y a 60% des femmes qui ne peuvent pas jouir du vagin. Quoi. Ça, c'est ses chiffres à elle. C'est les chiffres de Sarah. Et toi, Laurie, c'est une communication en fait avec ton chéri qui permet de t'harmoniser avec lui et de jouer en même temps, c'est ça? Ouais, voilà. Il faut se parler. Quoi, oui, ensemble. Comme tout. Mais voilà, c'est une question de confiance et surtout de relation avec ton partenaire. Quoi, et simultané, ça peut compter quand c'est différé d'une ou deux minutes. Ah, c'est à la seconde. Et c'est à la seconde. Ah, c'est à la seconde.

move on. Things gonna be tranquillement le réveil là sur Énergie, c'est Cédric. Bon réveil, on va écouter Orelsan dans la playlist Énergie, The Prince Karma juste derrière, il y aura Sissia et Soprano. Ah, comme ça c'est bien, ensuite tout vos hits préférés, puis aussi le meilleur de Koé. Retour à 17h cet après-midi sur Énergie en direct, et d'ici là voici ce qui s'est passé hier dans l'émission sur Énergie. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Vous entendrez le nouveau titre dans un instant, on va le faire lequel, IMMS, on fait celui-là. Celui-ci. Oui, yes. Celui-ci qu'on va chanter en live. You're gonna sing IMMS, right? Elle est notre invitée, elle s'appelle Bibi yes. Rixa. Ouais. Je yes. le prononce bien. Hi Bibi. Hello. Coco. Coco. Hi Coco. Petit, t'as du mal. Little memory. Bon alors attention. Oh. Oh. Oui, il s'est passé beaucoup de choses pendant la pub. Yeah. Ouais. Ça va vite. Hein. A lot of stuff happened off the air apparently. Eh oui, c'est ça le haut débit. Alors, attention. Oh là là. Nous avons lancé. Nous avons lancé. What? What? J'ai rien dit, j'ai dit nous avons lancé. C'est ah, we launched, he's trying to finish this sentence. Nous avons lancé yes. le David Guetta Contest. Ah, the challenge. David Guetta Contest. Of the world. Music. Energy Music Award. Et tout avec. Tu l'appelles en premier ou on l'appelle tous les deux ensemble? Are you guys going to call him at the same time? Is that the plan? Okay, I go first. You want to go first or me go first? Tu veux toi premier ou elle en premier? Honneur aux invités. Ladies first. Vas-y. Elle appuie sur appel. Oh, si jamais ça marche. Oh, t'imagines, non, mais il décroche à elle et pas à toi. En FaceTime. Après, j'appelle. En FaceTime. En FaceTime. En FaceTime, yeah, why? Oh, okay, oh, oh shit! Ah, yes, connexion. Motherfuckers! Il se recroise du coup. Comme le micro. How are you, David? Ça va, ça va mon David. Ben ça va super. Ah alors David, tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais? Je vais te dire ça va très bien. Est-ce que tu vois bien là ou pas? Oui. Je te vois toi et derrière il y a quoi? Voilà. Oh, mais non. The ocean, look at the beach. Mais David, tu m'entends David? Ouais, je t'entends très bien. T'es à Mulhouse et tu me préviens pas? On est pour les gilets jaunes. Mulhouse. T'as ton gilet jaune, j'espère. Bon, alors David. Hey, David, who do you love more, me or Coco? Elle demande. David, est-ce que tu... Hey, Coco. Eh oui, je suis désolé. Raccroché à la gueule. He loves you more, Coco. I'm sorry. Bah ouais, il t'aime mieux. Il raccroché à la gueule. Now he's calling back, of course. Petite, ça. Ah, t'as vu, ça la vénère, elle a raccroché. Je suis désolé, David, elle t'a raccroché à la gueule. C'est pas sympa. C'est pas sympa, je crois qu'elle a été little vexée. Je te fais un gros bisou, je t'embrasse fort. Donc tu es où exactement? Bibi, I love you. I love you too. Tu préfères Coco. I love you, David. We love you. Guys. On t'embrasse. Hey, on... Ouais. Say my name. If you love me, I dit que la vidéo déchire. Elle a pas entendu say parce qu'elle name. Chante. Refais-le, refais-le. The video is killing it. Listen, Bibi. What? Vas-y. Il a Kevlo. Ça a bloqué. Ça a bloqué. Il a Kevlo. It's

bitches. Vous êtes sur Énergie, c'est Cédric, salut tout le monde, bon réveil, on est jeudi aujourd'hui, on est le 22 novembre, j'espère que ça va pour vous, c'est le meilleur de Mickaël sur Énergie, avec le taxi du bled, c'est Kevin qui a joué avec nous sur Énergie, puis derrière comme d'hab, là, c'est vos hits préférés dans la playlist Énergie, il y a pour vous Sia qui arrive et Soprano sur Énergie, bon réveil. On va jouer au jeu du taxi du bled avec Kevin qui est avec nous maintenant, bonsoir Kevin. Comment va ? Ça va et toi ? Bah, très bien, très bien, très bien même. Et nous allons jouer avec toi de Roissy dans le 08. Kevin, le jeu du taxi du bled, c'est simple. Tu vas devoir, comme je l'ai dit, convaincre un taximan de te déposer loin de chez toi. Et tu vas devoir également affronter quelqu'un de l'équipe qui va faire le même jeu que toi. S'il arrive à avoir une confirmation, un accord en moins de temps que toi, c'est gagné. Pour l'instant, tu peux choisir entre Top, Polo, Amina et moi-même, évidemment. Bon, Kevin, taxi du bled, tu vas affronter qui ? Tof. Tof, très bien. Allez, merci. Hop là. On appelle des sociétés de taxi à Paris. Ouais. C'est une spéciale entrée, entre gens agressifs, ce serait bien entendu avec Polo. Et donc Kevin, tu vas lui demander de t'amener où, sachant que tu pars de Paris? À Bruxelles. À Bruxelles, c'est de la merde. Ouais, enfin, un peu plus loin. C'est pas crédible. Ouais, mais... même Polo, il peut t'emmener si tu veux. Non, mais 300 bornes, c'est pas. Oui, c'est beaucoup dans l'absolu, mais bon, ça reste accessible. Berlin. Voilà, Berlin, c'est bien. Très bien. Kevin, tu veux jouer? Tu commences ou c'est Tof qui commence? Tof. C'est Tof, très bien. Allez hop, c'est parti. Allons on y à va. Berlin. On appelle. Bon, je vais pas aller ailleurs. Hein. Non, allons à Berlin, c'est tu bien. Tu vas à Berlin aussi. Allez hop, c'est parti. On y va. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes bien taxi? Oui. Oui, voilà. En fait, je vous appelle. J'ai une demande un petit peu particulière à vous faire. En fait, voilà. Vous savez, en ce moment, c'est les commémorations de 14-18. Oui. Oui, voilà. Et en fait, bah, normalement, je devais me rendre à Berlin pour ça, et je devais partir avec voilà une personne qui devait m'emmener. Malheureusement, voilà, pour des raisons, elle s'est désistée. Et donc, je voulais savoir si vous auriez pu m'emmener et combien ça pourrait me coûter. D'accord. Vous êtes où, vous? Moi, je suis sur Paris, monsieur, dans le 8e. Dans le 8e et pour aller à Berlin. Oui, c'est ça, pour aller jusque Berlin. Ouais. À l'ambassade. Je regarde, il y a combien de kilomètres? Je regardais, il y a combien de kilomètres? C'est l'ambassade de France à Berlin? Oui, c'est ça, oui. D'accord. J'aurais juste besoin d'un prix à la louche, hein. C'est juste pour voir si ça passe niveau budget, et après je vous rappelle. D'accord. Il y a combien de kilomètres à peu près jusqu'à Berlin? Je sais pas, attendez, je vous dis ça tout de suite. Il y a 1000 kilomètres. Il y en a à peu près pour 11 heures de route. Ouais, 1000 kilomètres. Bah, faut multiplier par 2, 5, à peu près. Ça va faire à peu près 2000 euros. À peu près 2000, d'accord. Donc avec avec le pourboire, tout ça, on peut dire 2002? Ouais, voilà. Ok, parfait. Bah écoutez, je vois avec la compta et je vous rappelle. Y a pas de problème. Bon, merci beaucoup, monsieur. C'est très gentil. Y a pas de quoi. Merci, au revoir. Y a pas de quoi, monsieur. Au revoir. Et voilà, ça y est, Tof part à Berlin. Ça y est, mon nom est débarrassé. Voilà, pour 2200 euros quand même. Ouais, ça commence à faire, ouais. Ouais, ça commence à chiffrer, là. Bon, Kevin, 1 minute 20, score à battre. À toi de jouer. T'appelles à Paris également, Berlin. Bah, je te souhaite bonne chance. 1 minute 20, score à battre. Allô ? Bonjour, madame. Vous êtes bien taxi ? Oui. Oui, je vous appelle parce que je voudrais bien aller à Berlin pour les commémorations de 14-18. Je cherche un taxi pour m'emmener. Et si c'est possible? Oui, pour Berlin, oui. Et ça me coûtera combien d'euros pour le trajet? Monsieur, je ne vais pas à Berlin. Comment? Je ne vais pas à Berlin. Non, mais je cherche un taxi pour m'y emmener. Oui, ben prenez le train. Vous pouvez pas m'emmener? Gare de l'Est. Ben, ça part de Gare de l'Est, monsieur, c'est beaucoup. Vous savez, 3 heures après, vous êtes à Berlin. Hein. Et vous pouvez pas m'emmener avec un taxi de chez vous? De chez moi, je vous emmène à Berlin. Vous êtes sérieux? Ben oui. Ah bon? Oui, je paierai. Hein. Ah oui. Ça va vous coûter combien, à votre avis, pour partir d'ici à Berlin? Je sais pas. Ben ouais. Non, monsieur, je veux pas. Je ne fais pas Paris-Berlin. Vous faites pas? Comment? Vous faites pas Paris-Berlin? Bon, j'ai raccroché parce que de toute façon t'avais explosé le score, hein, Kevin, malheureusement là. Désolé, c'est dommage, Kevin. C'est dommage. Bon, ouais. en plus, il avait fermé sa gueule parce qu'au début, il a dit oui, Berlin, pas de problème. C'était à la 20e seconde, je me dis putain, il a gagné. Et juste derrière, non, monsieur, je ne vais pas à Berlin. Boum, bon, bah voilà. Ah ouais, bah là, en plus, elle a bien expliqué, c'était, il y avait rien à faire, hein, on pouvait. Elle est un petit peu énervée, hein, surcroît. Ouais. Bon, bah, Kevin. C'est normal, elle a cru qu'il se foutait de sa gueule. Bah oui, c'est ce qu'on appelle un échec. Oh, c'est pas grave. Bah, c'est pas grave. Hein. Ouais. Alors voilà, que moi, il est en train de rêver à sa course de 2000 euros, là. Voilà. Pauvre. Voilà, hop, deux victoires de suite pour Tov, donc, et bah voilà, hein, les choses sont faites. Salut, Kevin. À bientôt, Kevin. Au revoir, Kevin. Salut, gros. Salut, Kevin. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Comme Diego dans la bombonera, comme ça va se comme ça va stano dans la scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Énergie. Bonjour tout le monde, bon réveil. On va écouter Calvin Harris avec Sam Smith dans la playlist Énergie. Il y aura Imagine Dragons juste avant. Et lancer le meilleur du Rico Show. C'est à 20h tous les soirs sur Énergie. Dans Rico Show, il y a la boîte à Dodos. Écoutez, c'était sur Énergie cette semaine. Le podcast du Rico Show, 20h-23h. Sur Énergie. Eh oui, les amis, il y a du très très lourd. Je vous parlais de ce dossier à révéler sur Sarah, puisque tout le monde y a participé. Même Malik a mis son petit papier dans une boîte. Et vous avez tous les dossiers concernant l'équipe. Évidemment, c'est anonyme. Je ne révélerai jamais qui est l'auteur de ces messages. Mais ouais, en tout cas, on va en discuter, notamment Sarah, la grande dame du Rico Show. Nous a invité à l'anniversaire de son fils ce week-end. Évidemment, personne n'est vu. Qu'est-ce que t'as cru, bouffonne? Qu'on allait raquer un cadeau pour ton Morbac alors que le reste de l'année, tu nous calcules pas, on n'est pas tes pigeons. Alors déjà, je vais vous expliquer. Ça revendique, hein, c'est pas moi. Hein, ouais. C'est JF, bah, Sylvain ou Malik. Je vous dois la vérité, je te dis sincèrement. À la base, je voulais pas du tout vous inviter, je voulais que inviter Rico. Sauf que je lui ai dit en scred et lui, devant vous, il dit: au fait, Sarah, pour ton anniv dimanche, il commence à me parler de ça. Là, tout le monde, anniv, donc j'étais obligée de faire genre de vous inviter. La preuve, je vous ai envoyé un message la veille. La veille pour vous prévenir, j'espérais que vous ne veniez pas, en fait. Bah, t'étais sur la carte bleue la plus forte, quoi, en fait. Tant mieux. Rico était au courant aussi. Il a fait exprès de le dire devant nous. C'est parce qu'il voulait pas venir non plus. Je vais pas être le seul à pas venir. Je rigole, Sarah, on l'aime ton bambin, on l'embrasse. Allez. D'ailleurs, attends, Rico, bon anniversaire d'ailleurs. Bon anniversaire. J'ai une vraie réclamation dans la boîte à dodos, tout ça. Pour l'anniversaire de Sarah l'année dernière, il y a deux cons qui ont mis 15 euros. Dans moi. Et ils sont passés où ces 30 euros? Je sais pas. Mais non, j'ai pas les codes de la cagnotte. Mais est-ce qu'on pourrait, tu vois, au moins. Ah, je pense que c'est encore sur la cagnotte. Eh ouais. Bah, j'aimerais les récupérer. Sylvain, ils sont où les codes? Je sais pas. Je suis allé me balader sur l'insta de ce brave Sylvain. Nouveau dossier. Eh ouais, je me faisais bien chier. Bref. Ce bouffon poste que des photos de lui où il faisait ses combats de MMA. Et l'ami, si t'as envie de retourner dans ta cage jouer à l'homme de Cro-Magnon, retourne-y. Et nous fait plus chier. Bah, qu'est-ce que tu fais à mettre tes photos qui ont 4-5 ans quand tu te battais? 4-5 ans de quoi? C'est pas 4-5 ans, ça fait 3 ans. C'est pas pareil dans 3 ans. Ça fait 3-4 ans, bien tassé. Ouais, c'est des petits souvenirs, voilà, des ça des petits manque. Souvenirs, t'arrêtes pas, tu découpes tout le monde, on te voit en travers, il y a plus de vestiaires que toi. Bah, il y a des gens que j'ai pas envie de mettre dessus, forcément. Ah ouais. Sarah, on te l'a jamais dit, mais ta vie de star, c'est fini pour toi, accepte-le. J'ai appris que cette bolosse avait récupéré les codes de l'Insta Énergie et arrêtait pas de se taguer avec pour gratter 2 ou 3 followers. C'est vraiment pitoyable quand t'y penses. Et alors, c'est JM qui m'a tout appris, c'est lui qui fait ça. Ouais, t'as raison. C'est vrai, c'est. Ouais, je le fais et ça marche. C'est pas vrai. Bah ouais. D'ailleurs, JM, en plus d'être comme chacun le sait, un gros bouffon, c'est aussi un énorme crevard. Ouais. J'ai cramé cette petite dope cachée dans les toilettes en train de manger son sandwich. Pour que personne ne le gratte. Mais c'est normal. Petit bouffon et rat, ça fait beaucoup pour un seul homme. Évidemment, attends, t'imagines, tu sors un truc ici. Déjà, moi je suis malade quand je sors une chewing-gum ou quoi. Là, Sylvain, il le mange des yeux. Je te jure, j'ai peur. J'ose plus, les cafés, je les bois là-bas et ça, tout. Ça te met en angoisse. Ah, mais de ouf, t'es ouf ou quoi? Sylvain. Et le sandwich, ça sentait la merde un peu ou pas? Non, ça va, ça va, ça. Merci Sylvain. Forcément. Allez, Sylvain, on va terminer sur toi. Ignoble crevard, t'as encore fait honneur à ta réputation. En ce moment, chez McDo, tu peux gagner des Big Mac avec ton menu. Eh bien, dès que j'ai dit à ce dalleux de potard que j'en avais gagné un, j'avais perdu le papier dans la poubelle. Ce crasseux a tout retourné pour le retrouver. Il foutait ses mains dans la poubelle pleine de merde. Quelle horreur. Tout ça pour un burger gratuit. Pathétique. Et puis Sylvain,

Bon réveil tout le monde, j'espère que c'est là ce matin. C'est Cédric, on écoute vite avec Slimane dans la playlist Énergie avant 5h du mat. D'ici là, le meilleur de Koé. Koé, c'est à 17h tous les après-midi sur Énergie. Vous offre jusqu'à 10 000 euros dans le cash-cash Énergie à 17h30. Vous inscrivez dès maintenant, là, vous envoyez Koé au 7-10-12. Vous jouerez avec nous cet après-midi. D'ici là, voici le meilleur de Koé sur Énergie. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Voici les champions du monde de l'actu. Évidemment, et nous reviendrons dessus avec des sons dans un instant. Laurie Neal, c'était une catastrophe. Ah, vous vous souvenez de Laurie Neal? Bien sûr, les Fugees. Alors, ça a été une catastrophe. Hier, en concert à Bercy, elle s'est foutue de la gueule de tout le monde, il n'y a pas d'autre mot. Elle est arrivée avec 2h30 de retard. Tous ceux qui avaient pris un métro ou un RER, ils étaient déjà partis. Le concert était pitoyable. Et après 50 minutes, la lumière s'est rallumée, micro coupée, parce qu'il y a des horaires à respecter. Ah bah les oui. mecs de Bercy ah bah ont dit oui. Hey, l'heure, c'est l'heure, t'as pas payé maman, tu rentres. Et donc, elle s'est retrouvée toute seule sur scène, sans savoir quoi faire. Et elle est arrivée à Bruxelles avec 2 heures de retard. Ce qui m'énerve, c'est pas tant que. Parce qu'on peut tous avoir du retard. Bien sûr. Ce qui est agaçant, c'est qu'elle a fait un message Twitter. Et généralement, quand tu fais des messages Twitter, c'est pour t'excuser et donner la vérité. Oui. Voilà. Et quand tu t'excuses, mais que tu remens à la Trump, il y a un moment donné, c'est pas possible. Ça passe pas, elle a fait un message Twitter en disant que ses équipes avaient beaucoup de mal à voyager en Europe. Prends-moi pour un con, toute la scène a été montée toute la journée, c'est que ses équipes, elles sont là. Et son hôtel, il était dans Paris, approximativement à 20 minutes de bagnole. Donc s'il y a, je pense, 20 000 personnes qui ont réussi à être à l'heure pour un concert, quand tu viens dans une énorme Mercedes, dans un hôtel classe, tu peux arriver globalement un petit peu à l'heure aussi. Bah, c'est oui. moins des choses. Non, mais tu ne mens pas pour t'excuser, c'est pire que tout. Ou tu dis la vérité, tu dis je suis désolé, j'étais pas bien, j'étais fracas, j'ai bu un coup de trop, j'ai pris un truc et je me sentais pas bien. Ou tu dis la vérité, mais tu ne mens pas, c'est double foutage de gueule. Oui. Et en plus, je veux dire, avec un retard pareil, la SNCF va porter plainte pour plagiat. Et ça va être terrible. Non, c'est nous, ça, c'est nous. Deuxième champion du monde, dans le Haut-Rhin. Tiens, dans un instant, il y aura des sons de malaise. Vous entendrez le mec qui a fait la première partie, qui est un humoriste. Oh, le pauvre. Je pense que c'est le pire moment de sa vie. Dans la nuit, dans le Haut-Rhin, un homme a été bloqué par les gilets jaunes alors qu'il voulait aller au McDo. Mais comme il avait faim, il s'est énervé. Et comme tout le monde, vous avez vu, quand c'est énervé, tout le monde s'énerve. Il est sorti de la voiture, il a pris une tronçonneuse dans son coffre pour menacer les gens qui lui barraient la route. Résultat, pas de Big Mac, la police est venue et l'a embarqué. Ah ouais, quand je visualise la scène du mec avec une tronçonneuse et de 25 types en gilet jaune, on dirait massacre à la tronçonneuse chez les Mignons. Je vous assure, heureusement, il n'y a pas eu de drame. Le crossover. Ah, c'est un crossover. Super champion du monde aux Émirats Arabes. Une femme partageait la vie d'un homme depuis 7 ans. Il a annoncé qu'il voulait la quitter pour une autre femme. Vous allez me dire, bon, c'est classique, ouais. C'est moche, mais ça arrive. Elle devient dingue, elle le tue. Vous allez me dire, c'est moche, mais ça arrive. Sauf que la femme a découpé son fiancé. Oh, c'est moche. Ça arrive. Et elle a cuisiné ses membres qu'elle a ensuite servi à ses employés. Oh, non, ça c'est moche. Mais ça ne peut pas arriver, ça. Non mais c'est horrible. Elle aussi, elle a goûté son plat. Ah ouais? Vous savez ce qu'elle a mangé? Non. Ou juste un doigt. Ah 17h-20h, c'est Koé sur Énergie.

Salut les amis. Est-ce que quelqu'un a déjà mis des boules caisse? Alors, grosse question. Ouais. Alors, évidemment, vous avez le droit d'utiliser un joker si vous êtes gêné hein, de répondre à ça. C'est alors, intime. Hein. Alors, c'est vrai que c'est très intime. Ouais. Alors, je vais dire un truc. Sur les boules caisse, je n'en ai jamais mis parce que ça me fait peur. Bah ah ouais, ouais, ça te fait peur. Parce que j'ai peur que ça tombe dans l'oreille. Ah pareil. Ah non, pareil. Ça tombe dans l'oreille. Oui, ça tombe dans l'oreille. Mais c'est impossible. Hein. Moi j'en ai déjà mais porté non. pas mal de fois parce que à une époque je ronflais beaucoup. Donc tu te voulais pas t'auto réveiller? Bah ça me réveillait. Donc ah, je mettais des boules caisse. Oh, c'est glamour. Ah ouais, tu nous fais tellement rêver. Bah non, mais c'est passé, j'ai été opérée des végétations. Ah d'accord. Ah, bah, oui. Okay. Oui. J'ai changé. D'accord. Wow. Non, le seul risque des boules caisse, c'est que tu n'entendes pas ton réveil et que tu te réveilles pas, que tu arrives en retard au boulot quoi. Donc faut faire attention, mais sinon elles tombent en général, elles tombent pendant la nuit. Hein. Ah ouais? Elles sortent toutes seules, c'est plutôt l'inverse. Ah bon? Ouais, ouais, elles tombent de l'oreille. Ah, c'est beau. Attends, moi j'ai toujours l'impression que c'est là qu'un cambrioleur va en profiter pour rentrer, comme ça je l'entends pas. Quoi. Ah ouais. Je me dis, le mec, ça se trouve, il sait que je vais mettre des boules caisse. Mais tu sais quoi, si ça se trouve. Oui, ils attendent. Moi, je veux pas porter d'accusation fallacieuse. Oui. Mais si ça se trouve, monsieur Kies qui a inventé les boules caisse, si ça se trouve, c'était un cambrioleur. C'est ça. Ah oui. Et alors? Allez, on lance. Allez, on a assez discuté des boules caisse. Oui, un autre message, une autre question sur l'application Manu dans le 6-9. Salut les moi. Je me posais une question. Quelle est votre plus grosse flemme? Moi, par exemple, des fois, j'ai tellement la flemme de me faire à manger que bah du coup, je mange pas. Et j'ai ah oui. faim. Voilà. Là, un niveau de flemme qui est quand même assez haut. Au niveau de la flemme, vous en êtes où, Nico? Putain, moi, j'ai la flemme, c'est d'aller chercher les colis à la poste. Oh. Ça fait deux fois que je me fais envoyer une paire de chaussures parce que je vais pas les chercher. C'est à la vie de passage. Ouais. Deux semaines pour aller le chercher. Et à chaque fois, bah, j'ai la flemme, donc bah, je me fais renvoyer le truc. Quoi. Alors moi, j'ai le même style de flemme, mais c'est à l'envers. C'est quand moi, je dois le renvoyer. J'ai reçu un truc pour ma cuisine qui était cassé. Ouais. J'ai dit en ligne, il est cassé, je veux le renvoyer. Ouais. Ils me disent ce que vous voulez, qu'on vous en envoie un neuf. Mmh. Ouais. Donc oui, donc tu le payes, mais ensuite tu es remboursé de l'autre. Ouais. J'ai payé, j'ai reçu le neuf et j'ai eu la flemme de remplir le colis, de faire le truc dans le carton, ce qui fait que j'ai un neuf et le cassé. Après le mois, il est passé. Et voilà. Je me retrouve avec un cassé que je peux offrir à quelqu'un si vous voulez. Oh, je vais l'offrir à Noël et je dirais que je savais pas qu'il était cassé. Non, c'est horrible. Non, tu le fais aujourd'hui. C'est ça. Génial. C'est un dérouleur pour aluminium et tout ça. Ah, super. Voilà, si vous en recevez un cassé à Noël, sachez qu'il vient de chez moi. Oh, le cadeau. Au niveau de la flemme, glandu. Moi, l'autre jour, j'étais assis sur mon canapé et plutôt que de me lever pour changer les piles de ma télécommande, j'ai téléchargé l'application télécommande de ma box. Les piles, elles étaient dans l'autre pièce et tout. Ah oui, c'est normal, c'est normal. Bien sûr, la flemme. Ah, c'est très très bon ça. Quand c'est comme ça, tu dis à 3, je me lève. 1, 2, 3, et t'y vas quoi. Alors non, moi des fois je fais ça et à 100, je me suis toujours pas levé. Tout à l'heure, 6h, 9h30, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. enfant des villes ou enfant des fois. On se fait tous une île pour aller bien à l'horizon. Pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera. Comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Le temps qu'on passe à pleurer s'amoncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue. Comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête. Pour oublier, pour oublier, pour oublier. Il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé. Danser, danser. On ira faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête, oh, pour oublier, pour oublier, pour oublier, oui, pour oublier, pour oublier. Y a plus ni futur ni passé. Énergie, déjà au boulot ce matin sur la route pour y aller ou devant votre bol de Chocapic. On se fait toute la playlist Énergie là. Énergie, l'horoscope. Ouais, juste après l'horoscope, les béliers, laissez galoper votre imagination. Les taureaux, une proposition se précise. Les gémeaux, les autres imposent leur rythme aujourd'hui. Les cancers, vos activités sont prenantes. Les lions, vous menez à terme un projet. Les vierges, prenez le temps de retrouver vos proches. Les balances, aujourd'hui, allez à l'essentiel. Les scorpions, vos finances sont menacées. Les sagittaires, ne jugez de rien trop vite. Quant au Capricorne, vous allez juste avoir besoin de souffler un petit peu. Les Verseaux, votre analyse de la situation est plutôt juste. Et les Poissons, vos activités sont bousculées. On se fait Kaigo avec Imagine Dragons en PS Energy. Il y aura aussi Dadju et Dean Lewis. Et le meilleur de Manu dans 6-9 sur Energy. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Energy. Au Koweït, un homme a été arrêté lors d'un contrôle routier. Et le policier trouve que le conducteur a mauvaise haleine. Ouais. Mais vraiment, vraiment mauvaise haleine. Mm-hmm. Au point que le policier lui émet un PV pour ça. Ah, ça se fait pas. Ah non, ça se fait pas. Alors le mec a contesté le PV, il l'a pas payé. Ah ouais. Parce que même, non, ce n'est pas une raison. Hein. Ça doit être la honte quand même s'il y a un procès, un truc. Ouais. Et tu vois, ah bah, si tu vas en prison pour ça, ouais. J'aimerais qu'il y ait une banque et toi, ben rien. Manu dans le 6-9. Money, money. 6h, 9h30 sur Énergie. Cdiscount vous offre 15 000 euros de cadeaux pour le Black Friday avec Énergie. Demain dès 6h, écoutez Manu dans le 6-9. Merci Manu. Et dès 17h, c'est Coé sur Énergie. Pour le Black Friday, Cdiscount met en jeu 15 000 euros pour vous faire plaisir. 15 000 euros à gagner. Demain avec Manu et Coé. Énergie, hit music only. Énergie. Yeah.

Sur Énergie, c'est Cédric et plus de pub jusqu'à l'arrivée de Manu dans 6-9 sur Énergie. Ce sera en direct dès 6h tout à l'heure. D'ici là, bah pour vous, c'est le meilleur de l'émission. Derrière, on écoute Macklemore et Amir dans la playlist Énergie. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Il suffit de vous inscrire sur énergie.fr ou sur manudansle69.com. Il y a aussi l'application Manu dans le 6-9. Vous pouvez vous inscrire et je vous le rappelle, c'est complètement gratuit. Il n'y a pas de SMS surtaxé, il n'y a pas de numéro surtaxé. Tout est gratuit. Pierre habite Landudec, c'est dans le Finistère. Ça me fait rire. On sait tout de suite que tu es en Bretagne. Ouais. Landudec. Ouais, c'est vrai. Capadec. Képedec. Tagadec. Ouais. Mais c'est que des noms en deck. Ouais, ça fait sourire tout de suite. C'est vrai. J'appelle Pierre. Son nom de famille, ça doit être Patatec. Oh, mais non. Kalamadec. Oh, le cliché. Kilimilec. Oh, Pierre, à 27 ans, il touche 1164 euros chaque mois. Pierre Tabadec, je t'appelle. Attention pour doubler ton salaire. Pierre Patatec, il est temps de décrocher ce téléphone. Ah. Ça met un peu de temps. Ouais, ça me parle. Ah, Pierre Malabalek, qu'est-ce qui se passe? J'ai très peur. On va savoir tout de suite si le problème il vient de Pierre Malabalek. Ah, ça me fait de la peine pour Pierre Malabalek. Oh, bah, j'ai vraiment envie de. J'avais de la musique. Oh. Ah, mais vous en avez tous les clichés. Ah, ouais, j'avais la Bretagne, là vraiment j'étais. Ah, ça sent, attention, Pierre Malabalek. Oh, allô. C'est Pierre Malabalek? Tout à fait. On a mis 1000 ans avant que ça sonne chez toi, Pierre. C'est vrai, mais c'est pas. D'accord. Génial. Pierre Calabalec de Landulec, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Eh ben si tu peux y croire, Pierre Padagalec. Ah génial, mais c'est pas Padagalec. Moi, c'est juste Pierre Le Quéré, tout simplement. Ben non, c'est Le Quédec. Lapadec. Rigalec. Tu es breton, t'es dans le Finistère, ton nom est en Alec. Non, pas en Alec. En Quéré, c'est mieux, c'est plus. Non, rigolo. Pierre Balabalec, je te dis. Oh, tu vas faire un effort. Très bien, très bien. Ah, quel est ton nom, Pierre? Le Quéré. Non. Pas d'Alec. Ah, nous appelons Pierre. Pierre, quel est ton nom de famille? Pas de Balabalec. Oui. Voilà. Je te l'annonce, oui. Je vais doubler ton salaire. 1164 euros x 2, ça va faire 2328 euros pour toi, Pierre Kradalek. Oh, super, génial. En plus, je viens d'avoir une petite fille là, qui a un mois, là, c'est génial. C'est de la balle. C'est quoi son prénom? Neila. Et son nom de famille? Padalek. Oui. Bravo. Pierre, tu es agriculteur. Ça veut dire que tu te lèves tôt tous les matins et je suis heureux de te doubler ton salaire. 2328 euros, ça arrive très vite pour toi. Super, génial. Ah, Pierre. Oh, je suis content là. Bravo à toi, je te souhaite une très très belle journée, Pierre. Eh ben, je te remercie Manu et puis bonjour à tout le monde et puis encore merci, continuez comme vous êtes. Et ben toi aussi, continue comme ça. Pierre, rappelle-nous ton nom de famille. Padalek. Ça marche. Tout à l'heure, 6h, 9h30, Énergie. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. I feel glorious, glorious, got a chance to start again. I was born for this, born for this, it's who I am, how could I forget? I made it through the darkest part of the night, and now I see the sunrise. Now I feel glorious, glorious, I feel glorious, glorious. You know I'm back, like I never left. I never left. Another sprint, another step. Another step. Another day, another breath. Another breath. Been chasing dreams, but I never slept. On life is a piece of mind. Seeking to find, I can sleep when I die. Want a piece of the pie, got the keys to the ride. And shit, I'm straight. I'm on my way. I'm on my way. Get up my way. I'm running late. What can I say? Legend is Exodus. Searching for euphoria. Trudging through the mud to find the present. No ignoring us. Got 20,000 deep up in the street like we some warriors. My mama told me never bow your head. Whoa. I feel good.

no estoy muy larga. Así que vamos a quitarnos toda la gana. Si tú estás bien, habla portugués. Conmigo mujer y si no pues tú dos ven. Esta noche yo voy a hacerme con el balque. De noche me floco como Yandé. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dam, dame, dam, dam, dam, dam, dam. La gente me echa. Bogotá para rumbear y Boga para danzar. Y muy llego todos a Pintura y en el oriente. Todos quieren fiesta y bailar. La gente me echa. La gente quiere que te rumba y a la vea quiere el ritmo sin ley. El papi pura. Vamos a romper la frontera con un olé. Yeah. Vamos de Colombia hasta Portugal. De España a Brasil y hasta Panamá. También lo sienta en Venezuela que lo muera. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela que lo muera. Mami, yo sé que quieres vacilar con tus amigas en el barrio. Guaraná, rumba y tequila. Déjate el estrés, mamacita. Todo el mundo quiere, todas las mami no quieren. Sé que prefiere, mami, tu huevo no miente. La gente me quiere que te rumba y a la vea, quiero el ritmo sin ley. El papi pura, vamos a romper la frontera con un olé. Yeah. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela que lo muevan. Con las manos para arriba. Yeah. Siente el ritmo, mamita. Yeah. Preguntaré a la gente que el ambiente está caliente. Yeah. Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita. Dam, dame, dam, dam, dam, dam, dam. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela. Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela que lo muevan. Que lo que. Un, dos, tres, go. Que lo que. La Hindi Mashup. Energy. It's music only. Energy. Vous êtes sur Énergie, bonjour tout le monde, c'est Cédric, on est jeudi. Alors je sais que demain c'est le Black Friday, voilà, pour ceux qui veulent en profiter un petit peu plus. Tout à l'heure à 7h05 et 8h05, Manu, d'où votre salaire, dont 6-9 d'Énergie. Ah, ça pourrait en arranger certains, tu m'étonnes. Inscrivez-vous là, énergie.fr, Manu, dont 6-9 sur Énergie en direct dès 6h. Et la playlist Énergie avec Marnik, juste après le meilleur de l'émission sur Énergie. Manu dans le 6-9. Hey, c'est Manu. Hey, elle est wawa. Hey, elle est wawa. Hey, Énergie. C'est un moment que j'aime bien maintenant. Un beau moment, un moment happy. Ouais, ouais. Ah. Tout le monde a préparé ses bonnes nouvelles? Oui, ah, très bien, c'est un moment en plus qui est cool. Parce que j'ai rien à foutre, moi j'écoute juste. Chacun est arrivé avec une bonne nouvelle qu'il a envie de partager avec les autres. Parce que ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles. Ouais. Allez, on démarre, Nico. Une méga bonne nouvelle qui concerne tout le monde, hommes et femmes. Ouais. Apparemment, faire l'amour réduirait les risques de cancer de la prostate chez les hommes et les cancers du sein chez les femmes. Ah, bah, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui font l'amour. Ouais, ouais. Et il faudrait le faire 5 fois par semaine. C'est sûr. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle pour toi, par exemple. Oui, parce que pour moi, par exemple, déjà, je me sens malade. Non. Non, mais c'est de l'espoir, c'est très très cool au niveau santé. Et comme ça, c'est une bonne excuse aussi, c'est de te ça, dire voilà, vrai. Il faut qu'on le fasse 5 fois absolument, quoi. Ah oui, pour qu'on soit en bonne santé. Ouais. C'est pas pour moi, c'est pour ta santé, chérie. C'est ça, c'est cool. Ouais, avec le plaisir solitaire, ça marche aussi. Ça, je vais fouiller un petit peu. Non, ça te soigne même pas le rhume, désolé. Des bonnes nouvelles, Isabelle. En Angleterre, il y a un hamster qui s'appelle Jamie, qui s'est retrouvé coincé au fond d'un tuyau très étroit d'un mètre de profondeur. Et là, l'histoire s'arrête là. Non. C'est pas une bonne nouvelle. Et non, parce que donc au bout d'une semaine, il y a eu de plein d'essais, tu vois, pour sauver Jamie, ce pauvre petit hamster. Et la SPA locale a été appelée à la rescousse, donc pour trouver la solution. Sinon, c'était fini pour Jamie, tu vois. Et ben, figurez-vous qu'ils ont construit une petite échelle sur mesure pour permettre au hamster de remonter le long du tuyau, et le hamster a été sauvé. Oh, ça me donne envie de pleurer. C'est trop mignon. Oh, c'est joli. J'adore cette histoire. Ils ont fait une petite échelle pour le hamster. Ouais. Une semaine pour ça. Ouais. Et tu la vois, l'image du petit hamster qui grimpe comme ça? Ah ouais. Je la vois. Je vois surtout les images des gens autour du tuyau pendant une semaine à se dire comment on va. Alors comment on va faire? C'est pas possible. Il y a Bernard, t'as une solution? Non, j'ai pas une solution. Des bonnes nouvelles, Glandu. Moi, j'ai une super bonne nouvelle pour tous les buveurs de café. Ils sont nombreux. Attention, il y a une étude canadienne qui montre que boire du café, ça permet de réduire les risques d'Alzheimer et de Parkinson. Wow. Les deux à la fois. Bim, deux pour le prix d'un. Il faut en boire beaucoup? Alors pas plus de 4 par jour. Pas plus de 4 tasses de café par jour quand même. 4 c'est beaucoup déjà. Ouais, c'est déjà beaucoup 4. C'est une consommation raisonnée quoi, une consommation classique. Parce que plus après t'es un peu stressé. Ah, après t'as en fait tapé tout le monde. Et puis après plus de 4, on a vraiment l'impression que t'as Parkinson. Ouais, c'est ça. Bonne nouvelle, des bonnes nouvelles, Paulette. J'ai une très bonne nouvelle pour les véganes et les gens qui aiment la pizza. Allez, on va s'écouter Aya Nakamura. J'ai dit le mot pizza Manu. Pizza, ouais. Oui, j'ai peur que tu me parles d'une pizza végane du coup. Bah, c'est tout à fait ça. Il y a Domino's Pizza qui sort deux nouvelles pizzas qui sont véganes et qui ont l'air vraiment délicieuses avec du fromage végétal. C'est quoi du fromage végétal? Bah, c'est comme du fromage, ça a le goût, mais ça n'en est pas. Ouais. Oh non, alors, je pose une vraie question, vraiment, toi qui es végane, enfin végane un jour sur deux, mais... Oui, flexitarienne, disons. Ouais, ouais, t'es très flexible. Très, très, très flexible. Ouais. Pourquoi? On dit, c'est comme les steaks. On ne mange pas le steak, on ne mange pas le fromage. Pourquoi? C'est ok. Et pourquoi vous voulez l'inventer? Alors vous réinventez le truc. Vous dites du fromage végétal. Prenez pas de fromage du tout. Mangez des graines, c'est très bien. Mais pourquoi vous voulez réinventer les trucs? Mais qu'est-ce qui vous manque en fait si vous mangez pas de viande? C'est le goût. Voilà. Donc en fait, d'avoir le goût, c'est cool. Sans l'animal, c'est cool aussi. Ouais. Je t'ai convaincu? Ah. Bon. Ouais. Tu vas pas devenir végane tout de suite? Non mais je penses, non mais je fais attention à ce que je mange. Ouais, tu réduis, c'est bien déjà. C'est cool. Mais je réduis quoi? Bah tu réduis ta consommation de viande. Ah non, non, non. Ah, ah, qui s'en fout complètement. Non, je réduis un peu, mais bon, je dis pas que je suis vegan. Non, je mens pas, je suis pas comme toi. Alors, parce que Paulette, il faut le savoir, quand on prend du poulet au resto, elle en prend pas, puis ensuite on va aux toilettes, on revient, mais il est où mon poulet? Et là, t'as Paulette qui fait oh, mais c'est bon. Voilà. Tout à l'heure, 6h, 9h30, Manu. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. so we turning up. Yeah, we turning it up. Ain't got no tears in my body. I ran out, but boy, I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing. We vibing. We vibing. Even when it's raining down, can't stop now. Can't stop, so shut your mouth. The colors in you, I see them too. And boy, I like them. I like them. I like them. We way too fly to partake in all this hate. We out here vibing. We vibing. We vibing. Come even when it's raining down. Can't stop now. Can't stop, so shut your mouth. Bienvenue sur Énergie, 5h55, soyez les bienvenus. Merci. Je vous en prie. Ça me fait plaisir, parce que heureusement que tu m'as répondu, parce que là j'avais l'impression d'être seul. Ouais. Il est rouge ton pull, Paulette? Oui. Ok, c'est pour vérifier. Alors c'est un mec de la Lune qui m'a appelé, qui m'a dit on voit un point rouge sur Terre. On peut le prendre en photo? Oui, mais je pensais qu'il passerait celui-là. Je non, il passe, mais il est rouge. Hein. Ouais. Paulette a mis aujourd'hui un pull rouge, même le mec qui a inventé la couleur rouge dit ah non, j'ai jamais inventé ça. Et en plus, il est à total, quoi. C'est-à-dire qu'il a les manches un peu bouffantes, on dirait un truc d'escrime. Oui, c'est ça. Mais c'est bientôt Noël, les gars. Je suis dans le thème. Ah oui, mais Noël, c'est pas carnaval. Non. Bon, allez, ça, c'est réglé, les fringues de Paulette. Là. Ça, on l'a fait. On va mettre une photo sur Facebook, si Facebook l'accepte. Je sais qu'ils acceptent pas les nus et les à couleur rouge comme ça. Donc, on verra. Bon. On démarre l'émission dans 4 minutes. Soyez les bienvenus parmi nous. Merci. En ce moment, on parle beaucoup des gilets jaunes. Okay. Ouais. Jaune, c'est une couleur. Oui. Okay. Demain, c'est quoi? Black Friday. Black, c'est une couleur. Ouais. Je me suis dit qu'on pouvait écouter Black and White de Michael Jackson. Oh, mais t'es trop fort. Ah ouais. C'est génial, hein. Ouais. Je viens d'inventer là maintenant la raison, en fait. Ouais. Non, c'est juste hier, je suis tombé dessus sur YouTube et je me suis dit, tiens, si on l'écoutait. Ok, ouais, carrément. Voilà. J'aime bien essayer de trouver les transitions, ça. Et le côté gilet jaune, ça avait rien du coup. Rien. Avec Black. Ouais. Et j'avais envie d'écouter. Ouais, ok. Ok, on change de couleur rouge de Paulette et on démarre tout de suite. Mission. my life being a color. Did you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? C'est vendredi, demain c'est week-end. On est en week-end. Soyez les bienvenus, on va écouter Drake dans deux minutes. Et juste avant ça, c'est les infos tout de suite. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. C'est froid encore ce matin.